Exercice 2. Bonjour, ici le magasin La Bonne Cuisine. Nous avons reçu les assiettes en porcelaine que vous avez commandées. Vous pouvez venir les chercher à notre boutique à partir d'aujourd'hui. Le magasin est ouvert du mardi au vendredi, de 10h à 19h, et le samedi, de 9h à midi. Vous devrez présenter une pièce d'identité pour récupérer vos articles. Nous garderons votre commande pendant 2 semaines, jusqu'au 13 octobre. Si vous avez des questions, appelez-nous au 04 72 48 27 99. Merci.